Chapitre 3. Nous montâmes l'escalier tournant jusqu'au deuxième. La servante me remit la lumière en m'indiquant une porte. « C'est là, » dit-elle en se hâtant de descendre. J'ouvris la porte. La chambre verte était une chambre d'auberge comme toutes les autres, le plafond très bas et le lit fort haut. D'un coup d'œil, j'en explorai l'intérieur, puis je me glissai près de la fenêtre. Rien n'apparaissait encore chez Fledermaus. Seulement, au bout d'une longue pièce obscure, brillait une lumière, une veilleuse sans doute. « Eh bien, » me dis-je en refermant le rideau, « j'ai tout le temps nécessaire. » J'ouvris mon paquet. Je mis un bonnet de femme à longues franges et, m'étant armée d'un fusain, je m'installai devant la glace afin de me tracer des rides. Ce travail me prit une bonne heure. Mais après avoir revêtu la robe et le grand châle, je me fis peur à moi-même. Fledermaus était là, elle me regardait du fond de la glace. En ce moment, le watchman criait 11 heures. Je montai vivement le mannequin que j'avais apporté, je l'affublai d'un costume pareil à celui de la mégère, et j'entr'ouvris le rideau. Certes, après tout ce que j'avais vu de la vieille, sa ruse infernale, sa prudence, son adresse, rien n'aurait dû me surprendre, et cependant j'eus peur. Cette lumière que j'avais remarquée au fond de la chambre, cette lumière immobile, projetait alors sa lumière jaunâtre sur le mannequin du paysan de la forêt noire, lequel, accroupi au bord du lit, la tête penchée sur la poitrine, son grand tricorne rabattu sur la figure, les bras pendants, semblait plongé dans le désespoir. L'ombre, ménagée avec un art diabolique, ne laissait paraître que l'ensemble de la figure. Le gilet rouge et ses boutons arrondis se détachaient seuls des ténèbres. Mais le silence de la nuit, c'est l'immobilité complète du personnage. Son air morne, affaissé, qui devait s'emparer de l'imagination du spectateur avec une puissance inouïe. Moi-même, quoique prévenu, je me sentis froid dans les os. Qu'aurait-ce donc été d'un pauvre campagnard surpris à l'improviste? Il eût été terrassé, il eût perdu son libre arbitre et l'esprit d'imitation aurait fait le reste. À peine eus-je remué le rideau que je vis Fledermaus à l'affût derrière ses vitres. Elle ne pouvait me voir. J'entr'ouvris doucement la fenêtre. La fenêtre d'en face s'entr'ouvrit. Puis le mannequin parut se lever lentement et s'avancer vers moi. Je m'avançai de même, et saisissant mon flambeau d'une main, de l'autre j'ouvris brusquement la croisée. La vieille et moi, nous étions face à face, car frappée de stupeur, elle avait laissé tomber son mannequin. Nos deux regards se croisèrent avec une égale terreur. Elle étendit le doigt, j'étendis le doigt. Ses lèvres s'agitèrent, j'agitai les miennes. Elle exhala un profond soupir et s'accouda. Je m'accoudai. Dire ce que cette scène avait d'effrayant, je ne le puis. Cela tenait du délire, de l'égarement, de la folie. Il y avait lutte entre deux volontés, entre deux intelligences, entre deux âmes, dont l'une voulait anéantir l'autre, et dans cette lutte, la mienne avait l'avantage. Les victimes luttaient avec moi. Après avoir imité pendant quelques secondes tous les mouvements de Fledermaus, je tirai une corde de dessous mon jupon et je l'attachai à la tringle. La vieille me considérait, bouche béante. Je passai la corde à mon cou. Ses prunelles fauves s'illuminèrent. Sa figure se décomposa. « Non, non !» fit-elle d'une voix sifflante. « Non !» Je poursuivis avec l'impassibilité du bourreau. Alors la rage saisit Fledermaus. « Vieille folle !» hurla-t-elle en se redressant, les mains crispées sur la traverse. « Vieille folle !» Je ne lui donnais pas le temps de continuer. Soufflant tout à coup ma lampe, je me baissai comme une personne qui veut prendre un élan vigoureux, et, saisissant le mannequin, je lui passai la corde au cou et je le précipitai dans l'espace. Un cri terrible traversa la rue. Après ce cri, tout rentra dans le silence. La sueur ruisselait de mon front. Je l'écoutai longtemps. Au bout d'un quart d'heure, j'entendis, loin, bien loin, la voix du watchman qui criait « Habitant de Nuremberg, minuit, minuit sonné !» Maintenant, justice est faite, murmurai-je. Les trois victimes sont vengées. Seigneur, pardonnez-moi. Or, ceci se passait environ 5 minutes après le dernier cri du watchman, et je venais d'apercevoir la mégère, attirée par son image, s'élançait de sa fenêtre, la corde au cou, et restait suspendu à sa tringle. Je vis le frisson de la mort onduler sur ses reins, et la lune, calme, silencieuse, débordante à la cime du toit, reposait sur sa tête échevelée, ses froids et pâles rayons. Tel j'avais vu le pauvre homme, tel je vis Fledermaus. Le lendemain, tout Nuremberg apprit que la chauve-souris s'était pendue. Ce fut le dernier événement de ce genre dans la rue des Minnesänger. Lue par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre.